Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Frédéric Sontag, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle qui a pour titre L'Enfant Océan, un spectacle qui sera présenté prochainement à Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, et plus précisément au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Au début, c'est l'histoire d'une adaptation théâtrale d'un texte malicieusement inspiré du Petit Poucet. On peut résumer ainsi déjà ? Tout à fait, c'est l'adaptation d'un roman jeunesse qui s'appelle lui-même L'Enfant Océan, qui est un roman de Jean-Claude Mourleva, qui est un auteur jeunesse qui écrit beaucoup pour les enfants, qui est très connu. Ce roman est lui-même assez connu. Et donc moi, je fais une adaptation théâtrale du roman qui lui-même est une forme d'adaptation, en tout cas de réécriture, du conte du Petit Poucet, une réécriture moderne, on peut dire. Alors, vous le traitez, mais je pense que l'auteur aussi était déjà dans cette idée-là, d'un road movie et d'un polar tout à la fois. Exactement, alors c'est un road movie parce que le roman et donc la pièce commencent exactement comme le Petit Poucet, hein, la fratrie de cet enfant et le plus petit, le plus malin, qui est à la fois le plus chétif mais le plus intelligent. Et puis cette menace des parents qui veulent du mal aux enfants, comme dans le conte, et au lieu de se perdre dans la forêt ou d'être perdu dans la forêt, et ben dans le roman et dans la pièce, les enfants vont fuir. Et c'est l'histoire de cette fugue, de cette fratrie, de cet enfant vers l'océan. Donc c'est une sorte effectivement de road movie. On va partir avec eux sur les routes, on va essayer de rejoindre l'océan et on va croiser toute une série de personnes, on va vivre toute une série d'aventures. Mmh. Alors ça c'est l'histoire, et puis après comment elle nous est racontée ? Ben, elle nous est racontée par tous les témoins de cette histoire justement, c'est-à-dire aussi bien par les enfants que par les adultes qu'ils ont pu croiser sur leur chemin. Et on change régulièrement de narrateur et de point de vue. C'est un peu comme si, effectivement, on demandait à plusieurs témoins d'un fait divers de raconter ce qu'ils ont vu et qu'on essayait, en fonction de ces témoignages, de reconstituer, comme une enquête policière, la réalité de ce qui s'est passé. Mmh. Vous avez dit dans une interview, et surtout concernant les notes d'intention de ce spectacle, qu'on retrouve dans ce texte tous les ingrédients d'une forme polyphonique. En quoi cette histoire est porteuse de théâtralité pour autant ? Ben, elle est vraiment dans ce récit initiatique qui est l'aventure de ces sept enfants. Je trouve qu'il y a une grande force théâtrale dans les composantes de cette fugue et dans ce qu'elle dégage de poésie, dans comment on peut chacun aussi se projeter à l'intérieur de ce voyage d'une certaine façon. Et puis après, dans la construction, c'est-à-dire dans le travail sur les différents points de vue. Ça, je trouve que c'est très théâtral dans l'écriture. De comment on passe d'un point de vue à l'autre, d'un narrateur à l'autre, d'un récit à l'autre. Alors après, évidemment, il faut quand même adapter, c'est-à-dire que la théâtralité, elle est pas donnée totalement par le roman. C'est moi aussi qui l'adapte. J'en fais une forme de théâtre-récit, qui est une forme que moi, j'ai moi-même beaucoup travaillé. C'est une forme qui est présente dans Beethoven, qu'on avait présenté à la scène nationale de Cergy aussi, à Point commun l'année dernière, dans mes pièces précédentes. Et donc on alterne entre le récit et sa représentation. C'est les personnages qui nous racontent, et en même temps qu'ils nous racontent, on revoit les événements dont ils nous parlent. Mmh. Alors, côté forme, quand je disais effectivement un spectacle qui réunit tous les ingrédients d'une forme polyphonique, c'est à la fois le conte social, le polar à suspense, le road movie effectivement, voire même un récit initiatique. Oui, exactement. Moi, c'est ce qui, je trouve, est très beau dans le roman. C'est ce qui, à la fois cette polyphonie des points de vue et cette polyphonie des genres. C'est un roman qui est très riche, qui émeut et en même temps qui fait rire. On traverse beaucoup d'émotions différentes quand on le traverse, aussi bien en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte. C'est-à-dire que c'est à la fois un roman jeunesse, mais je trouve qu'il parle autant aux enfants qu'aux adultes, et c'est d'ailleurs de cela dont il parle aussi, c'est-à-dire du point de vue des enfants sur les adultes et du point de vue des adultes sur les enfants. Donc en cela, il est très riche. Moi, j'ai eu à cœur d'essayer de conserver le plus possible cette richesse du roman dans le cadre d'une forme qui est une forme jeune public, donc qui est quand même tenue par une contrainte de temps, puisque le spectacle fait un tout petit peu plus d'une heure simplement. Alors quand je parle de polar, quand je fais référence au polar, c'est vraiment, on assiste à une reconstitution de différents événements, comme pour tout polar, vous avez recours aux témoignages, aux flashbacks, au recueil des indices, etc. Oui, Exactement. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à lire le roman, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez cinématographique même. C'est-à-dire que on part d'un témoin qui nous raconte quelque chose. Alors, à qui parle ce témoin? Il pourrait parler à des journalistes, il pourrait peut-être parler à des policiers. Il nous parle surtout à nous, spectateurs. Et à partir de ces témoignages-là, on va passer un flashback, comme ça fonctionne beaucoup dans les romans policiers, comme les séries aussi utilisent beaucoup ce procédé-là, et on va revoir les événements du point de vue, et ça c'est important, c'est-à-dire c'est pas les événements peut-être totalement objectifs, c'est qu'on va voir les événements du point de vue d'un personnage. Et par exemple, on peut revoir les mêmes événements, mais du point de vue d'un autre personnage qui évidemment aura vécu quelque chose de légèrement différent, aura potentiellement vu quelque chose de différent, et nous, spectateurs, ben, on reconstitue la réalité en fonction de ces différents points de vue. Et effectivement, il y a aussi des indices. Moi, je me suis amusé à faire vraiment des photos de gros plans d'objets, de choses qui sont autant d'indices qui sont piochés dans la traversée de ces sept enfants et qui nous permettent aussi de nous rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, on n'est pas simplement dans la fuite en ce qui concerne les enfants pour échapper à la cruauté de leurs parents. On n'est pas seulement dans la fugue, mais également aussi dans l'idée d'une quête d'un ailleurs. Et là, effectivement, la dimension road movie prend tout son intérêt, son importance. Tout à fait. Bah, c'est toute la fonction aussi symbolique de l'océan, tout ce que l'océan peut représenter. C'est le plus petit d'entre eux, qui s'appelle Yann, qui est l'équivalent du petit poussé, qui leur dit qu'il faut aller voir la mer, qu'il faut aller vers la mer, qu'il faut aller vers l'océan. Alors cet océan, il représente beaucoup de choses. On sait que chacun peut y projeter, d'ailleurs, ce qu'il a envie d'y projeter. C'est peut-être, oui, l'idée d'un ailleurs possible, un ailleurs autre aussi que la réalité sociale dans laquelle ils vivent, mais peut-être aussi un ailleurs autre que la monotonie de l'existence. Quelque chose qui serait d'une autre réalité poétique peut-être aussi, et c'est tout ça qui est très riche dans cette histoire, c'est comment aussi chacun peut se projeter dans cette quête de cette enfance, et aussi évidemment comment on reconstitue une famille avec ses sept frères, comment on se refabrique une famille, une fratrie, pour pouvoir mieux traverser la violence du monde et de la réalité. Et ça peut résonner comme un adieu au monde de l'enfance également ? C'est ce que moi je vois dans ce roman, c'est-à-dire je crois qu'il y a une compréhension à travers la violence des parents et la violence du monde qu'ils vont traverser. Il y a une compréhension de ce qui les attend, peut-être de la réalité de l'âge adulte. Il y a forcément du coup une volonté de ne pas accepter cette réalité-là, d'une certaine manière de ne pas grandir. Et en même temps, quand on commence à comprendre ça, eh ben, on est en train de quitter justement le monde de l'enfance. Donc il y a pour moi ce passage de l'enfance à l'adolescence. Ce ne sont pas vraiment des enfants, effectivement, ils sont plutôt des préadolescents et des adolescents qui quittent l'enfance. Et c'est pour moi une forme, effectivement, de revoir, peut-être pas d'adieu, on espère, au monde de l'enfance qui reste toujours au fond de chacun. Alors, toutes ces intentions dont on parle, tout ce travail, effectivement, à partir du texte de l'auteur Jean-Claude Mourlevin, vous avez eu recours à l'image, photo et vidéo. Ça, c'est un peu un fil conducteur de votre propre travail théâtral, c'est ça ? Tout à fait. L'écriture que je mène au plateau, elle est elle-même polyphonique, c'est-à-dire qu'elle utilise différents médias, aussi bien le son que l'image notamment, qui font partie complètement de la dramaturgie, mais qui s'incluent complètement dans le travail de décor, de scénographie de la pièce et dans lequel s'inscrit aussi le travail de direction d'acteurs, le jeu des acteurs. Et c'est comment, avec toutes ces composantes-là, on fabrique justement ce récit. Alors forcément, on est dans un, comme je l'ai dit, on est dans un voyage initiatique, on est dans un road movie. C'est vrai que l'image, elle nous est très utile pour traverser ces différents espaces. La musique, elle est forcément très présente, comme dans tout voyage aussi. C'est l'élan qui nous porte d'une certaine manière, qui nous fait traverser tous ces paysages-là. Et en même temps, ce qui est très beau au théâtre, c'est qu'on n'aura pas bougé, on sera resté dans le même endroit, et c'est aussi la force de l'imaginaire qui est en jeu dans cette pièce-là. Pour l'interprétation, 5 acteurs sur scène, plus une marionnette très très réaliste pour ceux qui ont déjà pu voir le spectacle, qui incarne le rôle du petit Pousset, et l'ensemble de ces acteurs incarne eux-mêmes une vingtaine de personnages. Pourquoi le petit Pousset par l'intermédiaire de cette marionnette? C'est un travail effectivement particulier entre acteurs et marionnette sur scène. Tout à fait, je trouve que ça s'y prêtait. D'abord, dans un premier temps, il fallait trouver effectivement une solution, d'une certaine manière, puisque l'enfant, comme dans le conte du petit Pousset, est anormalement petit, c'est-à-dire c'est assez fantastique comme présence, il mesure 80 cm alors qu'il a 10 ans, et à la différence du conte, il ne parle pas, mais il peut se faire comprendre de ses frères par un langage magique. Et pour avoir toute cette ce fantastique, cette dimension magique de cette existence-là, j'ai trouvé que la marionnette était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour pouvoir rendre toute la poésie de cette présence, d'autant plus que ce sont les acteurs qui jouent les frères qui manipulent cette marionnette, c'est-à-dire qu'à la fois ce sont les frères, les plus grands frères qui protègent le petit, qui le manipulent en le protégeant, et du coup ça lui donne vie, et en lui donnant vie, c'est lui qui les guide et qui leur montre où aller. Donc une espèce de cercle comme ça vertueux dans de cette fratrie que je trouvais poétiquement très très fort et qui, je crois, marche très bien dans le spectacle. Alors, tous les ingrédients, comme on le disait, sont réunis dans cette pièce: de la poésie, de l'humour, du mystère. Alors, sans évidemment dévoiler la fin de l'histoire, cependant, est-ce qu'on peut espérer que au bout du chemin, au bord de l'océan, la vie sera meilleure? Ah, je l'espère, je le crois. On aura en tout cas traversé des choses, et c'est peut-être moins, on va dire, la destination qui aura importé que ce qu'on aura traversé, que les épreuves qui nous auront construites et qui nous auront fait grandir et qui auront aussi changé notre regard sur les choses, puisqu'il est question beaucoup de points de vue, y compris chez les parents, puisque cette fugue aura sur eux un effet bénéfique. Oui. Dernière chose, c'est votre premier spectacle à destination du jeune public. Est-ce que ça vous a fait grandir, vous, l'auteur et metteur en scène que vous êtes? Oui, oui, d'une certaine manière, parce que j'avais du mal, moi, j'avais l'envie de pouvoir écrire et mettre en scène pour le jeune public. J'avais encore du mal à trouver ce que je pouvais raconter. C'est vrai que le fait de passer dans un premier temps par une adaptation d'un roman déjà existant m'a beaucoup facilité la tâche. Et j'ai eu à cœur, après, de pouvoir mettre en scène ce récit-là, cette pièce-là, avec le même soin, avec la même passion, avec la même poésie, je crois, que mes autres spectacles. Je m'autorise une dernière question. Vous avez rencontré l'auteur, Jean-Claude Mourlevat, ou est-ce qu'il a déjà vu votre pièce? Oui, il a vu la pièce dès les premières représentations. Il a énormément aimé le spectacle, ce qui a été un grand ravissement pour nous, on est un grand bonheur que le spectacle lui ait plu, on l'espérait, on espérait évidemment que ça lui plaise. Eh bien, on recommande fortement à nos auditeurs d'être présents, soit le mardi 25 février à 19h30, soit le jeudi 27 février à 19h30, avec des séances en scolaire les 25, 27 et 28 février à 14h30 et à 10h pour le 28 février. Tout ceci aura lieu au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre, à l'affiche de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. On a hâte de découvrir ce spectacle. Merci. Merci beaucoup.